إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Wabad, on continue ce soir la lecture et l'étude du chapitre de la purification tiré du livre Manhaj al-Salikin du Cheikh Abdurrahman ibn Nasser al-Si'di, rahimahullah ta'ala. Nous en sommes aujourd'hui au chapitre sur Nawaqid al-Wudu, les choses qui annulent les ablutions. Ce sont donc les choses qui rendent vaines les ablutions, c'est-à-dire que la personne, lorsqu'il lui arrive une de ces choses, elle passe en état d'impureté mineure. Par conséquent, si elle veut faire la prière, il lui sera alors obligatoire de faire les ablutions. Et avant de voir les choses que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionnées ici, il est important de savoir qu'au sujet des choses qui annulent les ablutions, certains points font unanimité entre les gens de science. Et d'autres sont sujets à divergence, comme cela est courant dans les chapitres de jurisprudence. Donc, avant de prendre connaissance de ces différents annulatifs, il est important de souligner que la base, lorsqu'une personne fait ses ablutions, elle reste en état de pureté. Comme on l'a vu dans un cours précédent, la base est que la personne reste en état de pureté, jusqu'à ce qu'une preuve authentique et explicite démontre que ce qui lui est arrivé lui a bien fait perdre les ablutions. C'est-à-dire qu'en l'absence de preuve authentique et explicite, la base est que la personne reste en état de pureté. Et ça, c'est une règle qui va nous aider, inshallah ta'ala, notamment dans les points qui sont sujets à divergence et que l'on va voir aujourd'hui. Le Cheikh rahimahullah ta'ala, il a donc cité ici 8 annulatifs. Et on va commencer par les lire, puis ensuite on va revenir sur chacun d'entre eux, inshallah ta'ala. Le premier annulatif qu'il a mentionné, c'est Al-Kharijou min as-sabilayn mutlaqa. Ce qui sort par les deux voies naturelles de façon absolue. Donc je vous laisse noter ces 8 points et comme je vous l'ai dit, on revient après sur chacun d'entre eux. Le deuxième, Ad-damul kathir wa nahwuhu, le sang en abondance et ce qui est semblable. Le troisième, wa zawalul aql binawmin aw ghayrihi, la perte de la raison par le sommeil ou autre chose. Le quatrième, il dit rahimahullah, wa aklu lahmil jazur, et le fait de manger de la viande de chameau. Le cinquième, wa mas'ul mar'ati bi shahwa, le fait de toucher la femme avec désir. Le sixième, wa mas'ul farj, le fait de toucher ses parties intimes. Le septième est wa taghsilul mayyit, le fait de laver le mort. Et le huitième, il dit rahimahullah, war ridda wa hiya tuhbitul a'mal kullaha, et l'apostasie, et elle annule l'ensemble des œuvres. Ensuite, le Cheikh rahimahullah ta'ala a mentionné un verset et deux hadiths qui sont les preuves de certains de ces annulatifs. Il a mentionné une partie du verset 6 de Surat al-Ma'idah, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, « Aw jaa'a ahadun minkum minal gha'iti aw lamastum an-nisa. » Ou alors lorsque l'un d'entre vous revient d'avoir fait ses besoins ou que vous ayez touché aux femmes. Il dit ensuite, وَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَنَ تَوَضَّهُ مِنْ نُحُومِ الْإِبِلْ فَقَالَ نَعَمْ رواه مسلم. Et le prophète صلى الله عليه وسلم a été interrogé, devons-nous faire les ablutions pour la viande de chameau, c'est-à-dire après avoir mangé de la viande de chameau? Il répondit oui, et ce hadith est rapporté par Muslim. وَقَالَ فِي الْخُفَّيْنِ, et il a dit au sujet des chaussons, وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ رواه النَّسَائِي وَالتِّرْمِذِي وَصَحَّهَا. Toutefois, en ce qui concerne les selles, l'urine et le sommeil, et ce hadith est rapporté par al-Nasa'i al-Tirmidhi qui l'a jugé authentique. Et ces preuves, on va les revoir, inshallah ta'ala, lors de l'explication de ces différents points que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionnés. Le premier annulatif qu'il a mentionné, donc, c'est ce qui sort des deux voies naturelles, il dit, rahimahullah ta'ala, de manière absolue, c'est-à-dire quelle que soit la chose qui en sort. Les deux voies naturelles, cela désigne le conduit de l'urine et le conduit des salles. Donc le shir rahimahullah ta'ala nous dit ici, quelle que soit la chose qui sort par un de ces deux conduits, une de ces deux voies, alors les ablutions sont annulées. Et cette règle, on la retrouve dans beaucoup de livres de jurisprudence. Toutefois, certains parmi les gens de science, à l'exemple du Cheikh al-Albani rahimahullah ta'ala, ont mentionné que cette règle n'est pas juste dans l'absolu. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a certaines choses qui sortent par les deux voies naturelles et qui effectivement annulent les ablutions. Et il y a unanimité sur nombre d'entre elles. Et d'autres choses sont sujettes à divergence et n'annulent pas forcément les ablutions. Et pour soutenir cette règle, les gens de science ont mentionné des preuves qui sont en réalité des preuves de certaines choses qui peuvent sortir par les deux voies naturelles. Donc parmi les choses qui peuvent sortir et qui annulent les ablutions à l'unanimité, il y a l'urine et les selles. En effet, comme on l'a vu dans le verset que l'auteur rahimahullah ta'ala a cité, la partie du verset 6 de Surat al-Ma'ida, « Aw ja'a ahadun minkum min al-gha'it » lorsque l'un d'entre vous revient d'avoir fait ses besoins. Et également, il y a le hadith rapporté par An-Nasa'i al-Tirmidhi, rahimahumallahu ta'ala, dont l'auteur rahimahullah ta'ala a cité une partie, qui est le hadith rapporté par Safwan ibn Assal, radiyallahu ta'ala anhu, qui dit au sujet de l'efflorement des chaussons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonnait lorsque nous étions en voyage de ne pas retirer nos chaussons durant 3 jours avec leur nuit, comme on a vu dans le cours précédent, c'est-à-dire 72 heures pour le voyageur. Ensuite il dit, sauf en cas de janaba, sauf en cas d'état de grande impureté qui nécessitera alors le roussel et pour lequel ils seront obligés de retirer leurs chaussons afin de laver leurs pieds. Ensuite il dit, Safwan, radiyallahu anhu, rapportant ce que leur a ordonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toutefois, c'est-à-dire toutefois nous pouvions les garder, suite aux selles, l'urine et le sommeil. Donc ceci est une preuve claire et explicite que les selles, l'urine ainsi que le sommeil annulent les ablutions. Et pour le sommeil, on va y revenir, incha'Allah ta'ala. Quoi qu'il en soit, lorsque la personne fait ses besoins, alors elle a perdu ses ablutions et ce, sans aucune divergence entre les gens de science. Et les savants ont mentionné, concernant l'urine et les selles, que même s'ils sortent par un autre endroit que les deux voies naturelles, comme c'est le cas de certaines personnes souffrant de certaines maladies, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve, et guérisse les malades parmi les musulmans, qui pour faire leurs besoins utilisent certains procédés qui font que l'urine ou les selles vont sortir d'une autre manière. Alors dans ce cas-là, les ablutions sont également annulées. Également parmi les choses qui sortent par les deux voies naturelles et qui annulent les ablutions à l'unanimité des gens de science, il y a le vent lorsqu'il sort par l'orifice arrière. Et ce d'après le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé au sujet de l'homme qui s'imagine que quelque chose sort de lui alors qu'il est dans la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors dit qu'il ne sorte pas jusqu'à ce qu'il entende un bruit ou qu'il sente une odeur. Ceci est donc la preuve que le vent qui sort par l'orifice arrière annule les ablutions. Quant au vent qui peut sortir des parties intimes de la femme, alors celui-ci, il n'annule pas les ablutions. Et ce, car il n'y a aucune preuve nous mentionnant que ceci fait partie des choses annulant les ablutions. Et comme on l'a dit, la base est que la personne reste en état de pureté jusqu'à ce qu'une preuve authentique et explicite vienne démontrer qu'elle a perdu les ablutions. Donc en ce qui concerne ce vent qui sort par l'orifice avant, alors ceci n'annule pas les ablutions. Et ceci est donc une des exceptions à la généralité de cette règle. Également, parmi les choses qui sortent par les voies naturelles et qui annulent les ablutions à l'unanimité des gens de science, il y a ce que l'on appelle al-madi, qui désigne le liquide préséminal. C'est un liquide transparent qui sort en cas de désir. La preuve à ce sujet est le hadith de Ali, radiyallahu ta'ala anhu, qui rapporte que cela lui arrivait souvent. Alors il a ordonné à un homme d'aller interroger le prophète sallallahu alayhi wa sallam en raison de la place qu'il occupait vis-à-vis de la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, étant donné que Ali, radiyallahu ta'ala anhu, était marié avec la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par pudeur, il n'a pas été interroger directement le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci nous montre qu'il convient aux musulmans de ne pas parler avec les hommes de sa belle famille de certains sujets, et ce par pudeur, comme l'a fait Ali, radiyallahu ta'ala anhu. Il a donc envoyé un homme interroger le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet. Il l'a interrogé, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: fais tes ablutions et lave tes parties intimes. Ceci nous prouve donc que la sortie du mehdi, du liquide pré-séminal, annule les ablutions. Également, parmi les choses qui sortent, il y a ce qu'on appelle el-wadi, qui est un liquide blanc et épais qui sort après l'urine. Donc celui-ci, il a le même jugement que l'urine, étant donné qu'il sort avec celle-ci et il annule les ablutions. Également, parmi les choses qui font perdre à la personne son état de pureté, il y a le sang des menstrues. Et celui-ci, il rend obligatoire non pas les ablutions, mais le ghusl, comme on le verra dans le prochain cours, Inch'Allah ta'ala. Mais la question qui se pose concerne ce qui arrive parfois à certaines personnes et qui est qu'une goutte de sang coule après la purification, c'est-à-dire après que la femme se soit purifiée et qu'elle ait fait le grand lavage. Il se peut, dans certains cas, qu'une goutte de sang coule. Alors, que doit-elle faire? La réponse est que cela ne lui rend pas obligatoire le roussel, cela ne lui rend pas obligatoire le grand lavage, mais cela rend seulement obligatoire les ablutions. Et il en est de même concernant la sortie d'une goutte de mani, du liquide séminal, après le lavage. Si une personne est en état de janaba, puis fait son grand lavage, elle fait son roussel, et qu'après cela, après s'être purifiée, sans aucun désir ni aucune cause, il y a un peu de mani, un peu de liquide séminal qui sort de ses parties. Alors dans ce cas-là, le roussel n'est pas obligatoire car il l'a déjà fait, mais cela rend simplement obligatoire les ablutions. Donc comme vous voyez, toutes ces choses que l'on vient de mentionner ont une preuve spécifique démontrant qu'elles annulent les ablutions. Et il y a certaines choses qui peuvent sortir par ces deux voies et qui n'annulent pas forcément les ablutions, au sujet desquelles les gens de science ont divergé. On a mentionné l'exemple du vent qui peut sortir des parties intimes de la femme. Et il y a également les sécrétions qui peuvent sortir de ces parties intimes, ce que l'on appelle aussi les pertes blanches. Et ceci est une chose courante qui touche bon nombre de femmes. D'ailleurs, si tu médites sur les textes qui sont rapportés au sujet de ce qui annule les ablutions, tu verras qu'aucun de ces textes ne fait référence à ces sécrétions, à ces pertes. À l'exception d'un texte, qui est le hadith de Aïcha radiallahu ta'ala anha, qui a fait de ces sécrétions, de ces pertes blanches, un signe de pureté pour la femme. En effet, lorsque Aïcha radiallahu ta'ala anha a été interrogée au sujet de la purification après les menstrues, elle a alors dit aux femmes de ne pas s'empresser jusqu'à ce qu'elles voient le liquide blanc. Donc ce hadith, c'est une preuve très claire que cette chose était connue et présente au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc si ceci annulait les ablutions, il aurait été nécessaire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam clarifie cela aux femmes de sa communauté. Il aurait été possible qu'il clarifie cela à ses épouses, à ses filles, ou autres parmi les femmes musulmanes qui venaient régulièrement interroger le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de certaines choses, même les plus intimes. Or, il n'y a aucun hadith, ni aucune preuve explicite, nous mentionnant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aura ordonné une de ses épouses de faire ses ablutions pour cela. Ou alors qu'une femme ait interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet et qui lui est dit de faire ses ablutions. Aucun texte ne démontre cela. Il n'y a même pas de paroles de compagnons ou de leurs disciples, ni même des grands imams des premiers siècles, nous indiquant que ceci annulerait les ablutions. Par conséquent, certains parmi les savants, comme Ibn Hazm, rahimahullah ta'ala, et parmi les contemporains, le Shir al-Albani, rahimahullah ta'ala, ont soutenu que ces pertes n'annulent pas les ablutions. Et le Cheikh al-Uthaymeen, rahimahullah ta'ala, a certaines paroles à ce sujet, dans lesquelles il dit que ses pertes annulent les ablutions. Puis il a d'autres paroles dans lesquelles il dit que si ses pertes sont continues, alors ceci a le même jugement que l'incontinence urinaire, et étant donné que cela est continu, que cela coule en permanence, alors la femme n'a pas à refaire ses ablutions pour cela, mais elle les refait simplement si elle perd les ablutions en raison d'un autre annulatif. Et il apparaît qu'il est revenu de ses avis, car Il a préfacé la recherche d'une femme au sujet de ses pertes, dans lesquelles elle a mentionné un certain nombre d'éléments démontrant que celle-ci n'annule pas les ablutions. Et le Shir rahimahullah ta'ala a écrit une note sur la couverture de cette recherche, et il a écrit ceci est la preuve la plus forte démontrant que ces sécrétions n'annulent pas les ablutions, et que la base est que cela n'annule pas les ablutions, sauf s'il y a une preuve. Or, comme on a dit, il n'y a pas de preuve démontrant que ceci annulerait les ablutions. Ceci était donc quelques points concernant le premier annulatif que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné et qui concerne ce qui sort par les deux voies naturelles. Ensuite, il a mentionné le sang en abondance ou autre chose semblable. Donc ce qui est visé ici, c'est le sang qui sort du corps, en raison d'une blessure par exemple, ou un saignement de nez, ou de bouche, ou autre chose semblable. Il dit le sang qui coule en abondance, alors celui-ci annule les ablutions. Ou autre chose semblable, les gens de science ont mentionné par exemple le vomi, des régurgitations, ou alors le pus qui sort d'une blessure qui est infectée, si cela sort en abondance. Donc certains parmi les gens de science ont mentionné que si cela sort en petite quantité, alors la personne est excusée. Mais si cela sort en abondance, alors les ablutions sont annulées. Mais en réalité, il n'y a aucune preuve démontrant l'obligation de faire les ablutions pour cela. En ce qui concerne le sang, si vous vous souvenez, on a mentionné lors du cours sur les impuretés le récit de ce compagnon qui, lors de la bataille de Zat al-Riqa, a été atteint par une flèche et son sang s'est mis à couler. Et celui-ci continua de prier, il s'inclina et se prosterna. C'est-à-dire que malgré que son sang coulait, il a continué de prier. Et ceci était en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ceci est une preuve claire et explicite nous démontrant que le sang qui coule d'une blessure, il n'annule pas les ablutions. Et le Shir al-Saadi, donc l'auteur du livre, il apparaît qu'il est d'ailleurs revenu sur cet avis, car il a mentionné, dans un autre de ses ouvrages, la parole qui est la suivante selon le sens, est l'avis le plus juste, et que le sang et le vomi et autres choses semblables n'annulent pas les ablutions, qu'ils sortent en grande ou en petite quantité, car il n'y a aucune preuve claire quant au fait que cela annulerait les ablutions. Et la base est que la personne reste en état de pureté. Quant au hadith qui est rapporté concernant le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vomi puis fait les ablutions, alors les gens de science ont dit que ceci n'est pas une preuve que les ablutions étaient annulées, car c'est un simple acte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la base est que lorsqu'il fait une chose, cela ne démontre pas son obligation. Et le plus que l'on puisse dire est que cela montre qu'il est légiféré de faire ses ablutions pour cela, prenons ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme modèle. Quant à l'obligation, alors cela nécessite une preuve spécifique, claire et explicite. Or, il n'y en a pas. Donc ce deuxième point, en réalité, il ne fait pas partie des choses annulant les ablutions. Le troisième point qu'il a mentionné, rahimahullah, c'est la perte de raison par le sommeil ou autre. Donc concernant le sommeil, on a mentionné le hadith de Safwan, dont l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné une partie à la fin de ce chapitre, dans lequel il a mentionné qu'ils pouvaient garder leurs chaussons lorsqu'ils faisaient leurs besoins en cas de sel, d'urine ou de sommeil. C'est-à-dire que le sommeil fait partie des choses annulant les ablutions. Et quel est le sommeil qui annule les ablutions? Les gens de science ont mentionné que celui qui annule les ablutions est le sommeil profond, qui ne permet pas à la personne de ressentir s'il lui arrive une chose lui faisant perdre ses ablutions. Donc si la personne s'endort d'un sommeil profond, alors dans ce cas-là, elle doit refaire les ablutions. Mais si c'est un sommeil léger, c'est-à-dire que la personne somnole tout en étant consciente, de sorte que si sortait d'elle un vent par exemple, elle le ressentirait. Alors dans ce cas-là, les ablutions ne sont pas annulées. Et la preuve à ce sujet est qu'un jour, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'attendait pour la prière d'Al-Isha. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu plus tard qu'habituellement, au point que certains compagnons somnolaient. Alors lorsqu'il est arrivé, ils se sont levés et ont prié et n'ont pas fait les ablutions. Les gens de science ont dit que ceci est une preuve que la somnolence, le sommeil léger, durant lequel la personne est encore consciente et ressent ce qui se passe autour d'elle, alors celui-ci il n'annule pas les ablutions. Et le shir, rahimahullah ta'ala, il dit, la perte de raison par le sommeil, ou autre que cela. Autre que cela, c'est-à-dire l'évanouissement, ou alors la folie, ou l'état d'ivresse. Ceci également sont des causes qui font perdre les ablutions. Pourquoi? Car si le sommeil annule les ablutions, en raison du fait que la personne perd sa raison lorsqu'elle dort, alors la perte de raison lors de l'évanouissement, de la folie ou de l'ivresse, elle est encore plus grande. Donc il n'y a pas de doute que si la personne, il lui arrive une chose lui faisant perdre ses ablutions, elle n'en sera pas consciente. Par conséquent, la perte de raison, de manière générale, est une chose annulant les ablutions. La quatrième chose, c'est le fait de manger de la viande de chameau. Et on a lu la preuve que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionnée, qui est le hadith rapporté par l'imam muslim, rahimahullah, dans lequel le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a été interrogé sur le fait de faire les ablutions pour la viande de chameau, c'est-à-dire lorsque l'on mange de la viande de chameau. Et il répondit que oui. Et les gens de science ont divergé au sujet de cet annulatif. La majorité des savants considèrent que ceci n'annule pas les ablutions. Mais l'avis le plus juste est celui mentionné par l'auteur, comme le démontre le hadith qu'il a cité. Et ce qui est visé par la viande de chameau, c'est l'ensemble de sa viande, quel que soit le morceau. Il n'y a pas de différence entre la viande elle-même ou les abats, tout ceci annule les ablutions. Quant au fait de boire du lait de chamelle ou de boire de l'urine de chameau pour se soigner, alors ceci n'annule pas les ablutions. Le cinquième annulatif que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné, c'est le fait de toucher la femme par désir. Et ceci également est une question au sujet de laquelle les gens de science ont divergé. Certains parmi les gens de science ont dit que cela est un annulatif de manière absolue, c'est-à-dire que le simple toucher de la femme annule les ablutions. Et ils ont pris pour preuve la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset 6 de sourate Al-Ma'ida, O lamastumun nisa. Ou alors que vous ayez touché les femmes. Ils ont donc dit que le simple fait de toucher une femme annule les ablutions. D'autres, comme c'est le cas de l'auteur, rahimahullah ta'ala, ont précisé cela et ont dit que le toucher qui annule les ablutions est le toucher avec désir. Car ils ont dit que le toucher sans désir est une chose trop courante et imposer les ablutions pour cela serait une chose qui impose une grande difficulté à l'homme. Et le troisième avis, qui est l'avis le plus juste, inshallah ta'ala, et que le toucher de la femme, que cela soit avec ou sans désir, il n'annule en aucun cas les ablutions. La preuve à ce sujet est le hadith de Aïcha radiyallahu ta'ala anha, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam embrassait certaines de ses femmes, puis sortait à la prière, et il ne faisait pas les ablutions. Donc ceci est une preuve explicite, nous démontrant que le toucher, même s'il est avec désir, il n'annule pas les ablutions. Quant au verset, Ou lamastumun nisa, ou que vous ayez touché les femmes, alors ils l'ont expliqué en disant que ce qui est visé par celui-ci, ce sont les rapports intimes, comme l'a mentionné Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhumah. Il n'y a donc aucune preuve authentique et explicite démontrant que le toucher de la femme, que ce soit avec ou sans désir, annule les ablutions. Donc, à partir du moment où rien ne sort des voies naturelles, la personne reste en état de pureté. Mais si par exemple une chose sort comme le madi, le liquide préséminal, alors dans ce cas-là, la personne perd ses ablutions non pas en raison du toucher, mais en raison de la sortie du madi, du liquide préséminal suite au désir. Et comme on a dit, ceci est l'avis le plus juste, inshallah ta'ala. Le sixième annulatif qu'il a mentionné est le fait de toucher les parties intimes. Et ceci également est une question au sujet de laquelle les savants ont divergé. Et qui ne fait pas unanimité. Certains ont dit que toucher les parties intimes annule les ablutions de façon absolue, comme c'est le cas de l'auteur, rahimahullah ta'ala, ici, qui n'a pas précisé, il a simplement dit le fait de toucher les parties intimes. Et ils ont pris comme preuve le hadith rapporté par Bousra, la fille de Safwan, radiyallahu ta'ala anhumah, qui rapporte qu'elle a entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire « Quiconque touche ses parties intimes, alors qu'il fasse les ablutions. » Ce hadith est rapporté par Ahmed, Abu Daoud, At-Tirmidhi et d'autres. Elle a été authentifiée par Al-Albani, rahimahumullahu ta'ala. Ils ont donc dit que ce hadith est une preuve que celui qui touche ses parties intimes, alors ses ablutions sont annulées, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné dans ce hadith les ablutions. Et ce qui est visé par le toucher, c'est le toucher direct, c'est-à-dire sans intermédiaire, s'il n'y a pas de tissu entre la main et les parties intimes. D'autres parmi les gens de science ont dit que les ablutions ne sont pas annulées si la personne touche ses parties intimes. Et ils ont pris comme preuve le hadith de Talq ibn Ali radiyallahu ta'ala anhu, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé au sujet de l'homme qui touche ses parties intimes. Doit-il faire les ablutions? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: non, ce n'est qu'un de tes membres, c'est-à-dire ce n'est qu'un membre de ton corps, une partie de ton corps comme une autre. Donc, il n'y a pas de différence entre toucher cette partie ou une autre partie de ton corps, tu n'as pas à faire les ablutions. Le troisième avis mentionné par les gens de science est un avis qui est réuni entre le premier et le deuxième. Et c'est l'avis de ceux qui ont dit que ce qui annule les ablutions est le toucher avec désir. Et si la personne touche ses parties intimes ou d'autres sans désir, alors les ablutions ne sont pas annulées. Ils ont donc réuni entre les deux hadiths, le hadith de Bousra et le hadith de Talq, radiyallahu ta'ala anhuma. Le hadith de Bousra, ils ont dit, il indique l'obligation de faire les ablutions en cas de toucher des parties intimes avec désir. Et le hadith de Talq, il démontre que le toucher sans désir n'annule pas les ablutions. En effet, il a dit, ce n'est qu'une partie de ton corps. C'est-à-dire que lorsqu'il n'y a pas de désir, que tu touches cette partie ou une autre, il n'y a pas de différence. Mais s'il y a un désir, alors on applique le hadith de Bousra, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné les ablutions. Enfin, le quatrième avis au sujet de cette question est que les ablutions ne sont pas obligatoires pour celui qui touche ses parties intimes. Que le toucher soit avec ou sans désir. Toutefois, les ablutions sont recommandées. Ils ont donc interprété le hadith de Bousra, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne les ablutions comme étant un ordre désignant la recommandation, qu'il est recommandé de faire les ablutions pour celui qui touche ses parties intimes, que ce le soit avec ou sans désir. Mais cela n'est pas obligatoire, comme le démontre le hadith de Talq. Et ceci est une autre manière de réunir entre les deux hadiths. Le Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah ta'ala, après avoir mentionné ces quatre avis, il dit, en résumé, en cas de toucher des parties intimes, il est recommandé de faire les ablutions, de manière absolue, que le toucher soit avec ou sans désir. Mais s'il touche avec désir, alors l'avis rendant obligatoire les ablutions est un avis très fort. Toutefois, je ne peux l'affirmer, mais la prudence et de faire les ablutions. Fin de citation de la parole du Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah ta'ala. Donc le Cheikh, il nous dit que de manière absolue, les ablutions, elles sont recommandées, que le toucher soit avec ou sans désir. Mais en cas de toucher avec désir, alors il est plus prudent de faire les ablutions, car ceci est un avis très fort, c'est-à-dire le troisième avis, et qui est donc plus prudent. Mais en cas de toucher sans désir, comme cela peut arriver à une personne après sa douche par exemple, sans le vouloir, ou alors la mère qui change son enfant en bas âge, ou après l'avoir emmené aux toilettes et qui le nettoie. Alors, l'avis le plus juste est que cela ne rend pas obligatoire les ablutions. Ensuite, le cheikh, rahimahullah ta'ala, a mentionné le lavage du mort. Et ce point également ne fait pas unanimité entre les gens de science. Et la majorité des savants considèrent que ceci n'annule pas les ablutions. Il apparaît d'ailleurs que le cheikh, rahimahullah ta'ala, a lui-même penché vers cet avis, car il dit dans un autre de ses ouvrages, l'annulation des ablutions par le lavage du mort est discutable. Et ce car le hadith rapporté à ce sujet n'est pas confirmé. Et ce qui est rapporté de Ibn Umar et de Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma, concernant le fait qu'ils ont ordonné à celui qui a lavé un mort de faire ses ablutions, ceci n'est pas interprété comme démontrant l'obligation et ne permet pas de sortir de la base qui est confirmée et qui est le fait que la personne reste en état de pureté, tant que il n'y arrive pas une chose annulant ses ablutions. Et le Shir ibn Baz, rahimahullah ta'ala, soutenait lui aussi cet avis et disait que le lavage du mort n'annule pas les ablutions, car il n'y a aucune preuve authentique et explicite démontrant cela. Mais il dit toutefois, si la personne fait ses ablutions, sortant ainsi de la divergence, alors il n'y a pas de gêne en cela, inshallah ta'ala. Enfin, le huitième point que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné, c'est l'apostasie. Et il dit, rahimahullah, car elle annule l'ensemble des œuvres. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, La in ashrakta la yahbatanna amaluk. Si tu donnes des associés à Allah, tes œuvres seront certes vaines. Donc les gens de science ont dit en raison de cela que les ablutions, elles font partie des œuvres. Donc, celui qui fait du shirk ou autre parmi les actes annulant l'islam et qui ainsi apostasie, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Alors celui-ci, ses ablutions sont annulées. Et ceci également est une question au sujet de laquelle les savants ont divergé. Et l'avis le plus juste, incha'Allah ta'ala, est que l'apostasie n'annule pas les ablutions. Et ce, car ce qui est visé par l'annulation des œuvres, c'est l'annulation de la récompense des œuvres. C'est-à-dire que si la personne meurt sur la mécréance et ne se repent pas de cette apostasie, alors elle perdra la récompense de l'ensemble de ses œuvres. Mais si elle revient à l'islam avant de mourir et qu'elle se repent, alors, ses œuvres ne sont pas annulées. Mais celui dont les œuvres sont annulées, c'est celui qui meurt sur la mécréance. La preuve à ce sujet, le verset 217 de Sourate Al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit: وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Et quiconque parmi vous quitte sa religion et meurt en étant mécréant, et meurt en étant mécréant. Alors ceux-là, leurs œuvres sont annulées, et ici-bas et dans l'au-delà, et ceux-là sont les gens de l'enfer, et ils y seront éternellement. Ceci est donc une preuve nous démontrant que ce qui est visé par l'annulation des œuvres, par l'apostasie, c'est lorsque la personne meurt en étant mécréante, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver et de nous faire mourir en pleine soumission sur le tawhid et la sunna. Il n'y a donc aucune preuve démontrant que l'apostasie annule les ablutions. Par conséquent, si une personne commet un acte annulant l'islam, alors qu'elle a les ablutions, puis que quelqu'un lui fait le rappel ou qu'elle se rend compte, se remet en question et se repent, sans avoir perdu ses ablutions, et qu'elle entre à nouveau en islam, alors ses ablutions sont toujours valides, incha'Allah ta'ala. On a donc terminé en ce qui concerne ce chapitre, et on verra dans le cours de demain, incha'Allah ta'ala, les choses rendant obligatoire le ghusl, le grand lavage, et également la description de celui-ci. On va donc s'arrêter là pour ce soir. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, wa alhamdulillahi rabbil alamin, wa barakallahu fikum.